De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, mon collègue Samuel Lauzon va aborder un sujet qui fait beaucoup jaser dans la région de Québec en ce moment, les élections partielles de Jean Talon. Tout d'abord, bonjour Samuel. Oui, bonjour Valérie. Alors, plus particulièrement, Samuel, tu t'es penché sur le lien qu'entretiennent les politiciens et les politiciennes avec la science. Donc, tu as contacté 5 partis politiques pour leur poser des questions sur la science et la technologie et connaître un peu leur vision sur ces enjeux. Et tu nous rapportes donc les fruits de ton enquête. Oui, tout à fait, Valérie. Tout d'abord, à préciser que j'ai contacté 5 partis politiques majeurs, là, mais que malheureusement, le Parti conservateur du Québec ne m'a pas répondu là, malgré mes demandes répétées la semaine dernière. C'est vraiment dommage, je trouve, parce que le Parti conservateur fait souvent un cavalier seul sur beaucoup de questions qui touchent la science. Là, on n'a qu'à penser là, à tout ce qui a trait à la mobilité durable, le tramway, le troisième lien ou des positions controversées qu'on avait entendues là, sur la pandémie, la COVID, ouais. les vaccins. Donc, ça aurait été vraiment intéressant de voir les bases scientifiques puis leurs réflexions face à la science. En même temps, c'est significatif qu'il n'ait pas répondu aussi. Oui, voilà. Ça aurait été aussi intéressant, là, les parties un peu moins connues, mais bon, ouais. Une question de temps, là, tu vas voir, là, je dois avouer, là, Valérie, que c'est déjà un défi quand même de résumer toutes les questions et toutes les réponses, là, de chaque partie, là, mais... Effectivement, je trouvais que tu t'étais lancé dans un gros défi, un là. Gros défi, ouais. Merci beaucoup de l'avoir mené à bien. Je tiens juste à dire aussi que c'est les réponses des partis politiques et non les plateformes électorales. Donc, c'est vraiment la réponse. Ça veut dire qu'ils ont peut-être autre chose sur leur plateforme, ouais. Mais c'est vraiment la réponse qu'ils m'ont donnée que je vous indique, là, aujourd'hui. Exactement. Donc, après cette mise en garde, Samuel, on va y aller avec les questions. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous donner un petit portrait des candidats, leur profil scientifique, par exemple? Oui, je vais commencer par la CAQ avec Marie-Annick Chouari, qui est avocate de formation. Elle est fondatrice de l'organisme Vite ta sacoche et qui se dédie à la collecte et à la distribution de produits d'hygiène pour les personnes vulnérables. Elle n'a pas de formation universitaire en sciences, mais elle a abordé les questions scientifiques dans son travail d'avocate. Elle a travaillé sur les enjeux d'intelligence artificielle et de conduite autonome lors de son mandat comme directrice des services juridiques. Elle estime avoir une bonne base en sciences, puis que c'est important là, pour les enjeux de la société. De son côté, le Parti libéral, avec Élise Havard-Bernier, elle a été formée en relations publiques et en communication à l'Université Laval. Elle possède des médias ciblant les familles, là, les parents, là, les grands-parents. Elle nous dit qu'elle possède pas de formation en sciences, mais qu'elle a participé à Génie en herbe là, et qu'elle adore les reportages scientifiques. Fait que peut-être qu'elle est à l'écoute, peut-être qu'elle nous écoute en ce moment. Québec solidaire, avec Olivier Bolduc qui travaille dans le système de justice depuis 2015. Après un parcours dans l'industrie ferroviaire, il n'y a pas dans le domaine de la science, mais il y a un intérêt marqué, notamment sur le changement climatique puis toutes les avancées scientifiques. Mm-hmm. Finalement, le Parti québécois, avec Pascal Paradis, qui est un juriste de formation, il a fondé Avocats sans frontières, et il estime que la culture générale en science, là, lui, il met l'accent, il trouve que c'est essentiel pour un élu. Il a étudié dans plusieurs universités et a participé à des compétitions, lui aussi, de génie en herbe. Ah, donc, ouais? On a deux génies en herbe. C'est un auditeur là, assidu d'émissions de vulgarisation. Donc, peut-être lui aussi nous écoute. On les salue. On les salue. Donc après, nous avoir donné ce portrait un petit peu des candidats, la première question que tu leur as posée concerne les établissements d'enseignement et de recherche de la circonscription de Jean Talon, donc à savoir les deux cégeps, Sainte-Foy et Saint-Laurent, et puis l'Université Laval. Et là, tu leur as demandé dans quelle mesure leur parti propose... quelles mesures leur parti propose pour soutenir la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, Et est-ce que dans leur vision politique, la recherche fondamentale est aussi importante, aussi cruciale ou pas que Ouais. la recherche appliquée? Ouais, c'est ça. Ben la recherche appliquée, bon, c'est souvent bon des découvertes qui vont avoir une utilité là dans la vie des Ouais. gens, dans l'industrie, etc. Tandis que la recherche fondamentale, des fois, elle passe un peu sous le radar C'est là. ça, C'est on se ça. demande à quoi ça Ah, va c'est ça, servir, mais exactement. bon, ça, il y a toujours un fondement quand même. Voilà. La CAQ, elle, là, je commence avec la CAQ. La CAQ considère que la recherche fondamentale est à la base des développements scientifiques, comme la filière là, batterie, l'électrification des transports, que ça vient dans le fond, que ça vient de la recherche fondamentale. Cela dit, il propose d'investir dans le transfert de ces recherches fondamentales pour soutenir le développement plus concret. Donc, oui, c'est bien le fondamental, mais il faut que ça serve de façon concrète. Il mentionne aussi particulièrement l'importance des centres collégiaux de transfert de technologie. Fait que, Ah, ça, bref, ouais. la CAQ, pour eux, c'est important la recherche fondamentale, mais ça doit servir. T'sais, ça doit avoir une application. Le PLQ souligne qu'ils ont participé au financement du pavillon de médecine de l'Université Laval. Ils sont assez critiques là et souhaitent une révision du programme de bourse. Il appelait ça Bourse Perspective Québec, là, qui a été annoncé par la CAQ. Il s'engage à revoir le programme avec les intervenants du milieu et même les associations étudiantes. Donc, je trouvais ça intéressant qu'ils mettent l'association étudiante, là, si on se rappelle, le printemps Ouais. érable. Je crois pas que ça soit anodin C'est qui a vrai. décidé de mettre le association étudiante. Donc, finalement, ils veulent revoir là, à la hausse les bourses pour les maîtrises et les doctorats dans le fonds de recherche du Québec. Donc, eux, ils ont mis l'emphase donc dans la réponse sur les bourses, finalement. Exactement, Ouais. oui, c'est ça, tout à fait. Bon, évidemment, Québec solidaire souligne à grands traits là qu'ils accordent une grande importance à l'accès à l'éducation supérieure pour tout là. Ici encore là, on se souvient que du printemps érable, que Gabriel Ah oui. Nadeau-Dubois là, qui est maintenant chef parlementaire de la formation, était leader à l'époque des associations étudiantes. Fait que peut-être ici on En tout cas, c'est intéressant à Ouais. voir qu'ils ont décidé d'en parler un peu. Alors, Québec solidaire soutient un fort financement de l'État pour les universités et la recherche fondamentale. Il note un déséquilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et il souhaite rectifier ça. Donc là, c'est différent un peu de la CAQ, là. Ici, on est Ouais. plus comme les deux sont aussi importants un que l'autre. Ouais. Le Parti québécois soutient la liberté académique. Là, évidemment, là, je vous dis ce que eux ils me disent, là. Hein. C'est pas mes opinions à moi, c'est toujours ce qu'ils m'ont Ah répondu. ouais. Le rehaussement de financement de la recherche, en particulier dans les institutions francophones. Selon eux, tant que le Québec n'aura pas rapatrié les fonds de la recherche des compétences qui est une compétence québécoise, le Québec pourra pas choisir entre recherche fondamentale ou appliquée, mais il souligne dans le fond que des fois c'est moins spectaculaire peut-être là, la recherche fondamentale, mais que c'est tout aussi important. Donc voilà. Très bien. Alors, il faut savoir aussi qu'en matière d'enseignement, Jean Talon abrite aussi une école primaire à vocation scientifique, l'école Fernand Séguin. Et l'intérêt pour une carrière scientifique naît souvent durant l'enfance. On voit des fois des yeux qui s'éveillent là Qui brille, qui oui. brillent devant la chose scientifique. Donc, Samuel, tu leur as demandé comment les partis envisagent de promouvoir l'éducation scientifique et la technologie au sein du système éducatif. Oui, tout à fait. Donc, la candidate, là, Marie-Annick Chouari, là, de la CAQ, reconnaît l'importance, là, de l'école Fernand Séguin, là, en matière d'éducation scientifique, là, de ce genre de programme-là, et souhaite collaborer, là, avec ce genre de projet-là. Là. Pour elle, c'est important. Toutefois, elle souligne que ce modèle n'est pas accessible à tous, et elle propose de soutenir les écoles, les organismes offrant des activités scientifiques, en citant des exemples, là, comme la COOPFA et le programme Clé des sciences. Ça, c'est des programmes qui, soit sur l'environnement, pourquoi COOPFA et Clé des sciences, là, pour initier les enfants aux sciences. Le PLQ, de son côté, lui dit accès gratuit aux projets pédagogiques et spéciaux dans les écoles publiques jusqu'à concurrence de 5 000 $, en plus de vouloir offrir un programme de tutorat permanent. Il souhaite soutenir le déploiement de projets axés sur la science, la promotion des programmes science-études pour éveiller l'intérêt là, des jeunes face aux grands défis des changements climatiques, mm-hmm. puis développer de façon soutenue le goût pour les sciences. Mm-hmm. Là, on voit bien que, comment je peux dire, tout le monde est pour la tarte aux pommes, là. Tu sais, il y a personne qui... C'est un peu ça. Donc, j'essaie de vous mettre les éléments, mais je pense que c'est intéressant de voir que certaines personnes vont venir puis vont mettre des chiffres ou c'est vont ça. Venir des mesures vraiment... Tout le monde est d'accord avec c'est important la science pour les enfants, mais des fois, il y a certaines quand personnes... Quand on voit qu'il y a des chiffres ou qu'il y a quelque chose de plus précis, on se dit, bon, ben là, c'est un peu plus important. Tout à fait. Pour que... Il y a une réflexion. Ouais. Québec solidaire souhaite éliminer le système d'éducation à trois vitesses. Donc, selon eux, l'école privée, l'école publique à programme particulier et l'école publique régulière, ça fait comme une école à trois vitesses. Ils veulent que tous les enfants aient accès égal au programme particulier, indépendamment de leur situation financière. L'objectif est de réduire les inégalités économiques et l'accès à l'éducation. Mm-hmm. Le PQ, le Parti québécois, propose des programmes de projets particuliers pour tous les élèves, y compris des programmes axés sur la science, mm-hmm. comme, par exemple, donner l'exemple, pourquoi pas des lab-études ou des sciences-études. Ils se disent mûrs pour une réflexion collective sur le système d'éducation pour impliquer les acteurs et les citoyens. Mm-hmm. Dans une autre question, Samuel, tu as abordé la question de la confiance envers la science. Alors, on le sait, hein, pendant la pandémie de COVID-19, ça a mis en évidence une certaine désinformation qui circulait sur les médias sociaux et la méfiance de certaines personnes à l'égard de la science, notamment en ce qui concerne les vaccins. Et il y a de nombreux électeurs et même des élus qui ne comprennent pas toujours le fonctionnement de la science et comment elle peut évoluer dans le temps. Donc, tu as demandé aux partis comment ils envisagent de renforcer la confiance envers la science et comment améliorer sa compréhension par le grand public. Oui, ici, c'est un peu spécial. La CAQ m'a donné une réponse très courte. Là, je me demande si la réponse n'avait pas été tronquée. Là. Je vais vous la donner. Il me dit... Au même moment que certains citoyens perdent confiance en la science, d'autres perdent aussi confiance envers le gouvernement et ses élus. C'est donc une perte de confiance envers les institutions que nous observons actuellement et c'est très inquiétant pour la cohésion sociale. Point. Il y avait pas comme de mesures spécifiques, donc je me demandais si... Bon, en tout cas, voilà. Du côté du PLQ... La mise en avant de la collaboration avec les experts là, dans la prise de décision, pour eux, c'est très important. C'est un élément là, pour favoriser, dans le fond, que le public en général soit d'accord avec les mesures qui sont mises de l'avant. L'important des médias forts et de l'information publique. Pour Québec solidaire, Québec solidaire est préoccupé par la désinformation, bon, un peu comme toutes les autres parties. Il propose deux solutions à long terme. Faciliter l'accès à l'éducation pour tous les jeunes et financer les médias grâce aux fonds alimentés par une taxe des GAFAM. Bon, les GAFAM, je rappelle, là, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc ici, on a une mesure un peu plus ciblée qui est, bon, d'utiliser cet argent-là pour mettre ça dans les médias plus traditionnels. Donc, ça veut dire là un rôle des médias aussi pour améliorer un petit peu cette confiance du public Exactement. Envers la science. Tout à fait. Le Parti québécois prévoit un accès à la science via un système d'éducation moderne et un écosystème médiatique indépendant. Il soutient que leur formation politique là, ont choisi de pas mettre de sous dans Meta, donc dans Facebook et Instagram, justement pour pas favoriser, j'imagine, cette désinformation-là. J'imagine que c'est ça qu'ils voulaient dire. Et de financer Télé-Québec pour une production de contenus scientifiques locaux. Mm-hmm. Donc, le candidat s'engage aussi personnellement à expliquer ses idées en détail pour renforcer la confiance. Voilà. Ah oui, donc il est prêt à en parler davantage. Voilà. On voit quand même qu'il y a des partis qui sont plus préoccupés que d'autres par cette question de la confiance envers la science. Tout à fait. Ta question suivante, Samuel, concernait la mobilité durable. Bon, il en est question autant avec le projet du troisième lien que du tramway, mais cependant, parfois, pour les auditeurs, c'est un peu difficile de se faire une idée sur des données fiables. D'où ta question, Quelles politiques les partis comptent-ils mettre en place pour garantir que les décisions politiques en matière de mobilité durable et d'urbanisme reposent sur des preuves scientifiques solides? Comme on l'a eu pour la COVID, on s'est appuyé sur la science. Est-ce qu'on peut le faire pour la mobilité? Tout à fait. Donc, au niveau de la CAQ, leur réponse là, évoque l'enquête Origine-Destination, EOD, actuellement financée par le gouvernement du Québec, qui comprend les déplacements, là, qui cherche à comprendre le déplacement des citoyens et mentionne, dans le fond, il mentionne que ça va être vulgarisé au public. Donc, ce programme-là devrait être vulgarisé pour que les gens comprennent, j'imagine, pourquoi les décisions sont prises après cette enquête-là. Mais ça, c'est pas une étude scientifique, ça, c'est une enquête auprès de la population. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est bon point, Valérie. Voilà, et il prévoit de continuer cette étude qui permettra de mieux comprendre les déplacements, c'est ça, dans la région métropolitaine de Québec. Ils promettent aussi de continuer à collaborer avec des groupes là, comme Accès Transport Viable pour développer des politiques en matière de transport. Bon. Voilà. Fait que c'est leur réponse. Le PLQ, il recommande la mise en place d'un comité d'experts afin d'évaluer le meilleur plan global de mobilité. Donc, eux autres, c'est vraiment un groupe d'experts pour la grande région de Québec avec, évidemment, une reddition de comptes. Donc, il y a des comptes à rendre, puis on a des experts. Voilà, c'est ça leur réponse. Est-ce qu'il y a une précision sur les experts? Qui sont les experts? Parce que c'est un mot assez vague, finalement. Oui, hein, oui, les experts, tout à fait. C'est pas toujours des scientifiques. Effectivement, ça serait à pousser un petit peu là, pour savoir qui sont les experts, dans quel domaine, etc. Oui, tout à fait. Québec solidaire souligne l'importance de baser les décisions politiques sur la science, en particulier dans la lutte contre les changements climatiques. Il cite la saga du troisième lien, là. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, là, on s'en doute, là. Selon eux, le manque d'appui d'experts a influencé la décision là, d'abandonner le projet. Et ils exhortent, dans le fond, les autres partis de fonder leur décision sur des faits scientifiques plutôt que sur des considérations électoralistes. Le Parti québécois mettrait en place une politique de transparence pour garantir la confiance. Donc, c'est vraiment comme une politique. Ils veulent inclure des études dans le projet déposé, la collecte des données sur la mobilité et la collaboration des experts des sciences sociales, des urbanistes et des environnementaux. Ah, on voit un peu mieux qui sont les experts, là. On le voit un petit peu mieux. Tout à fait. Ils proposent des mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques de mise en œuvre. Bon, c'est un peu la reddition de compte, voilà, là, un peu. Voilà, exactement. Donc, je remarque qu'il y a des réponses qui sont plus élaborées que d'autres, hein. Puis c'est pas toujours les mêmes partis qui répondent, qui élaborent ou qui n'élaborent pas. Sur le même sujet. Tout à fait. Autre sujet pour lesquels on aimerait bien des décisions fondées sur la science, c'est le changement climatique, justement. Puis malgré ça, certains influenceurs remettent en question l'urgence climatique. Donc ta question, c'était comment les partis prévoient de mettre en œuvre des politiques qui tiennent compte de ces préoccupations scientifiques pour assurer un avenir durable aux générations futures? Bon, tout de suite, comme ça, la CAQ se présente là, vraiment dans le texte qu'ils m'ont envoyé. La réponse se présente vraiment comme engagée dans la transition énergétique, la protection de l'environnement. Là, ils disent même que, selon eux, la CAQ est le meilleur bilan de l'histoire en matière d'environnement. Donc, c'est leur vision. Le gouvernement, c'est toujours eux, le gouvernement de la CAQ s'est donné un plan chiffré pour réduire les émissions de GES de 37,5% par rapport à 1990. Ils parlent d'un investissement de 9 milliards là, pour arriver à leur fin. D'investissements importants dans le transport collectif, là, 40 milliards de dollars. Et il mentionne avoir atteint la cible de 17 % des aires protégées sur le territoire québécois. Il rappelle qu'ils ont interdit l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire afin de protéger les eaux et les terres agricoles. Donc, si on se souvient, par exemple, ça ne s'est pas toujours fait... je dirais de gaieté de cœur, où souvent il y a eu comme quand même des actions, là, les hydrocarbures et tout, là, c'était pas leur idée, mettons, au départ, non, je dirais, c'est ça. Je dirais ça comme ça. Ouais. Donc, Le PLQ dénonce, c'est ça, comme je disais, la CAQ, là, eux, ils se disent comme le meilleur bilan. On se doute que les autres partis ne sont peut-être pas nécessairement d'accord avec ça. Le PLQ, d'ailleurs, là, dénonce l'urgence climatique, là, les catastrophes, les inondations, les feux de forêt, les canicules, la tornade, les tornades, l'érosion des berges. Puis dénonce, selon eux, l'inaction, eux, de la CAQ. Ouais. Donc, d'un côté, on a le meilleur bilan, puis l'autre côté, c'est l'inaction. C'est drôle parce qu'ils étaient là avant la CAQ. Oui, oui, si, tout à fait. Selon le PLQ, la carboneutralité de 2050 n'est qu'un début, mais il faudrait en faire plus. Mm-hmm. Mais comment? Ben, ils n'ont pas mis beaucoup de détails comment qu'on y arrive, là. Ils ont juste dit que la carboneutralité pour 2050, c'était le début. Reste à voir comment qu'on fait ça. Québec solidaire, les solutions de Québec solidaire pour lutter au changement climatique sont les mêmes que la désinformation, ce que je trouve particulier comme réponse, ouais. Mais bon. L'accès à l'éducation, financement adéquat des médias, crédible et la responsabilité des élus de toutes les formations politiques. Ouais, c'est curieux comme réponse, parce que c'est pas forcément d'agir sur le terrain des transports collectifs ou de planter des arbres ou autre, c'est que c'est l'éducation finalement, l'éducation ouais. au changement climatique. Comme je vous dis, je peux aller sur leur plateforme, hein. C'est vraiment la réponse que j'ai eue. Peut-être que dans leur tête, ça sous-tend qu'une fois qu'on est éduqué à viser les changements climatiques, on va agir. Voilà, peut-être. C'est peut-être ça, mais c'est drôle comme réponse. Oui, tout à fait. Le Parti québécois va instaurer une loi cadre pour respecter les engagements climatiques. Donc, vraiment une loi. Ils incluraient des critères environnementaux dans les appels d'offres gouvernementaux et encourageraient l'innovation verte. Mm-hmm. Les candidats mentionnent l'importance de la rigueur scientifique et de l'innovation pour la qualité de l'air et de l'eau. Donc, dans leur texte, c'est ça. Là, on voit qu'il y a quand même une loi cadre, des critères environnementaux dans les appels d'offres. Ouais. Donc, c'est quand même précis, là, comme réponse. Exactement. Puis la dernière question, Samuel, rapidement, là, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, la dernière question que tu leur as posée, c'est comment les partis envisagent-ils d'aborder les questions éthiques liées à la science et à la technologie, comme l'intelligence artificielle, tout en protégeant les droits individuels et en favorisant l'innovation. Puis là, j'ai en tête que certains des candidats ont déjà touché un peu à ces questions-là quand tu nous les as présentées. Oui, oui, tout à fait, oui. Pour la CAQ, là, c'est clair, là. Ils encouragent le développement de l'intelligence artificielle. Ils reconnaissent les enjeux éthiques et la nécessité d'un encadrement législatif, donc devrait avoir une législation pour ça. Ils appellent à aborder ces questions de manière transparente en écoutant les experts. Mais on n'a pas vraiment de mesure, là. C'est juste comme un peu des vœux pieux, là. On encourage l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas trop comment. Un encadrement législatif, mais... le PLQ propose un mandat d'initiative sur l'émergence de l'intelligence artificielle afin d'entendre les experts et les acteurs de la société civile. Donc, un mandat... d'initiative. Il mentionne les inquiétudes concernant le bouleversement de l'intelligence artificielle, entre autres dans le système scolaire, là, le fameux ChatGPT pour faire des devoirs et tout. Québec solidaire, dans leur réponse, ils font référence à leur porte-parole en matière d'intelligence artificielle, Arum Bouazi, j'espère que je le prononce bien, qui a pris position là, récemment sur ces enjeux-là. En gros, si je résume, là, ils m'ont envoyé comme un texte avec ça. Selon M. Bouazi, les parlementaires doivent écouter les experts et tenir une commission parlementaire dès cette session. C'est une priorité, là, dans le fond, pour QS, là, ça devrait se faire maintenant. Pour le Parti québécois, ils veulent suivre l'exemple de l'Union européenne en matière de protection des renseignements personnels. Ils s'engagent à protéger les droits individuels tout en favorisant l'innovation. Le candidat souligne que les opinions des citoyens et des scientifiques seront prises en compte. Mmh. Bon, fait que là, si on résume, il y a suivre l'Union européenne. Oui, car effectivement, un règlement, effectivement. Ben, c'est un exercice fort intéressant, Samuel. Merci beaucoup de l'avoir mené et de nous avoir éclairé un petit peu sur ce que les candidats, les partis politiques, pensent de la science. Voilà, c'était donc une enquête de Samuel Lauzon. Nos auditeurs et auditrices de Jean Talon auront sans doute écouté ta chronique avec intérêt, Samuel.